Black Obama Ice Flex, 57% palier du type pas dilué. La balle ne retombe pas sur la table, tu as loupé, le filet est en métal. Tu ne sais pas comment servir, un môme va te montrer. Tu attends sur le banc en criant une clope. Tu vas l'écraser dans la poussière, la balle tombe aussi dans la poussière. Tu as écrasé la balle, tu ne peux pas jouer. Tu ne prends pas ton pied, t'as écrasé ta balle. Tu as joué juste une clope, tu en as plus. Il va falloir en racheter, mais c'est ça ou un café. 57% ça amène à réfléchir. Surtout quand ta carte bleue vient de se faire aspirer. Tu ne t'es pas fait aspirer le sexe depuis bien longtemps, car ton aspirateur a le sac qui a explosé. Il faut que tu rachètes des sacs pour faire le ménage. Il faut que tu achètes aussi un endroit pour faire le ménage. On a fait le ménage en te renvoyant chez toi, mais chez toi tu te rends compte que tu n'as pas fait le ménage. Il te faudrait de l'espoir comme Black Obama. Tu n'as même pas la CIA pour toi comme Black Obama. Tu ne regardes qu'à la télé le White Obama. Ice Flex. Il te faudrait de l'espoir comme Black Obama. Tu n'as même pas la CIA pour toi comme Black Obama. Tu ne regardes qu'à la télé le White Obama. 57%. Tu vas à la guerre avec un casque en plastique. C'est une assiette, une gamelle, tu t'es cru chez les scouts. Tu n'as même pas de dreadlock, tu n'as même pas de chapeau, tu n'as même pas de crâne, tu es juste un coup sur patte. Les girafes t'appellent l'abdominal, na. Les girafes t'appellent l'abdominal, na. Tu recherches l'espoir, tu regardes dans les grimoires la recette pour être le Black Obama. La recette pour être le Black Obama. Mais tu as juste l'image en face de toi. Il te faudrait de l'espoir comme Black Obama. Tu n'as même pas la CIA pour toi comme Black Obama. Tu ne regardes qu'à la télé le White Obama. Ice Flex. Il te faudrait de l'espoir comme Black Obama. Tu n'as même pas la CIA pour toi comme Black Obama. Tu ne regardes qu'à la télé le White Obama. 57%. Je suis une invention gastronomique comme de la cuisine moléculaire. Je peux me mettre dans son assiette ou marcher sur la lune comme un scaphandre d'astronaute. Ping-pong ouvre la porte, je vois une lumière. Je vois des gens danser, je ne suis pas sur la liste. Je suis juste sur une liste électorale. Tu m'as vu dans ta ville, tu m'as vu dans ton club, tu m'as vu dans tes clips. Black Obama, toutes les pubs parlent de moi. Toi aussi, tu as une petite sœur qui te parle de moi. Comme Ice Flex, 57%. Ice Flex, l'homme qui vient du froid. Même en chaleur, en été, en hiver, en chaleur. Il est jamais froid, il est toujours froid, il est toujours soi, il est toujours moi, il est toujours toi, il t'écoute toi, Black Obama, saute dans la piscine. Il te faudrait de l'espoir comme Black Obama, tu n'as même pas la CIA pour toi comme Black Obama, tu ne regardes qu'à la télé le White Obama. Ice Flex. Il te faudrait de l'espoir comme Black Obama. Tu n'as même pas la CIA pour toi comme Black Obama. Tu ne regardes qu'à la télé le White Obama. 57%. Il te faudrait de l'espoir comme Black Obama. Tu n'as même pas la CIA pour toi comme Black Obama. Tu ne regardes qu'à la télé le White Obama. Ice Flex. Il te faudrait de l'espoir comme Black Obama. Tu n'as même pas la CIA pour toi comme Black Obama. Tu ne regardes qu'à la télé le White Obama.